Nicomède de Corneille. Mise en scène de Brigitte Jacques-Vageman. Après tant de hauts faits, il m'est bien doux. Seigneur, de voir encore mes yeux régner sur votre cœur, de voir sous les lauriers qui vous couvrent la tête un si grand conquérant, être encore ma conquête et de toute la gloire acquise à ses travaux faire un illustre hommage à ce peu que je vous. Quelque bien, toutefois, que le ciel me renvoie, mon cœur épouvanté se refuse à la joie. Je vous vois à regret, tant mon cœur amoureux trouve la cour pour vous un séjour dangereux. Votre marâtre y règne, et le roi, votre père, ne voit que par ses yeux, seul la considère. Pour souveraine loi n'a que sa volonté, jugez après cela de votre sûreté. La haine que pour vous elle a si naturelle, à mon occasion encore se renouvelle. Votre frère, son fils, depuis peu de retour... Je le sais, ma princesse, et qu'il vous fait la cour. Je sais que les Romains qui l'avaient en otage l'ont enfin renvoyé pour un plus digne ouvrage. Que ce don à sa mère était le prix fatal dont leur ambassadeur marchandait Hannibal, et le roi, par son ordre, eût livré ce grand homme s'il n'eût, par le poison lui-même, évité Rome. Or, à cette nouvelle enflammée de courroux d'avoir perdu mon maître et de craindre pour vous, j'ai laissé mon armée aux mains de Théagène pour voler en ces lieux au secours de ma reine. Vous en aviez besoin, madame, et je le vois, puisque l'ambassadeur obsède encore le roi. Si de son arrivée Hannibal fut la cause, lui, mort, ce long séjour prétend quelque autre chose, et je ne vois que vous qui le puisse arrêter pour aider à mon frère à vous persécuter. Je ne veux point douter que sa vertu romaine n'embrasse avec chaleur l'intérêt de la reine. Hannibal, qu'elle vient de lui sacrifier, l'engage en sa querelle et m'en fait défier. Seigneur, jusqu'ici, j'aurais tort de m'en plaindre. Et quoi qu'il entreprenne, avez-vous lieu de craindre? Ma gloire et mon amour peuvent bien peu sur moi, s'il faut votre présence à soutenir ma foi, et si je puis tomber en cette frénésie, de préférer Attal au vainqueur de l'Asie. Attal... Qu'en otage, on nourrit les Romains, ou plutôt qu'en esclaves, on façonnait leurs mains, sans lui rien mettre au cœur qu'une crainte servile, qui tremble à voir un aigle et respecte un édile. Plutôt la mort que mon esprit jaloux forme des sentiments si peu dignes de vous. Je crains la violence et non votre faiblesse. Et si Rome, une fois contre nous, s'intéresse... Je suis reine, seigneur. Et Rome a beau tonner, elle ni votre roi n'ont rien à m'ordonner. Si de mes jeunes ans il est dépositaire, c'est pour exécuter les ordres de mon père. Il m'a donné à vous. Et nul autre que moi n'a droit de l'en dédire et me choisir un roi. Par son ordre et le mien, la reine d'Arménie est due à l'héritier du roi de Bithynie. Il ne prendra jamais un cœur assez abject pour se laisser réduire à l'hymen d'un sujet. Mettez-vous en repos. Et le puis-je, madame? Vous voyant exposée aux fureurs d'une femme qui, pouvant tout ici, se croira tout permis pour se mettre en état de voir régner son fils, il n'est rien de si saint qu'elle ne fasse enfreindre qui livrait Hannibal pourra bien vous contraindre. Seigneur, votre retour, loin de rompre ses coups, vous expose vous-même. Et m'expose après vous. Comme il est fait sans ordre, il passera pour crime. Et vous serez bientôt la première victime que la mère et le fils, ne pouvant m'ébranler pour m'ôter mon appui, se voudront immoler. Si j'ai besoin de vous, de peur qu'on me contraigne, j'ai besoin que le roi, qu'elle-même, vous craigne. Retournez à l'armée, et pour me protéger, montrez 100 000 bras tout prêts à me venger. Parlez la force en main et hors de leur atteinte, s'ils vous tiennent ici. Tout est pour eux sans crainte. Et ne vous flattez point ni sur votre grand cœur, ni sur l'éclat d'un nom, cent et cent fois vainqueur. Quelque haute valeur que puisse être la vôtre, vous n'avez en ces lieux que deux bras comme un autre. Et fussiez-vous du monde et l'amour et l'effroi, quiconque entre au palais porte sa tête au roi. À l'armée. Ne montrez à la cour que votre renommée. Assurez votre sort pour assurer le mien. Faites que l'on vous craigne. Et je ne craindrai rien. Retourner à l'armée. Sachez que la reine la sème d'assassins achetés par sa haine. Deux s'y sont découverts que j'amène avec moi afin de la confondre et détromper le roi. Et si notre fortune à ma perte animée la prépare à la cour aussi bien qu'à l'armée, dans ce péril égal qui me suit en tout lieu, m'envirez-vous l'honneur de mourir à vos yeux? Non. Je ne vous dis plus désormais que je tremble, mais que s'il faut périr, nous périrons ensemble. Armons-nous de courage. Et nous ferons trembler ceux dont les lâchetés pensent nous accabler. Le peuple ici vous aime et hait ces cœurs infâmes et c'est être bien fort que régner sur tant d'âmes. Mais votre frère Atal adresse ici ses pas. Il ne m'a jamais vu. Ne me découvrez pas. Quoi ? Madame, toujours un front inexorable? Ne pourrais-je surprendre à un regard favorable? Un regard désarmé de toutes ses rigueurs et tel qu'il est enfin quand il gagne les cœurs. Si ce front est malpropre à m'acquérir le vôtre, quand j'en aurai dessein, j'en saurais prendre un autre. Vous ne l'acquérerez point puisqu'il est tout à vous. Je n'ai donc pas besoin d'un visage plus doux. Conservez-le de grâce après l'avoir su prendre. C'est un bien mal acquis que j'aime mieux vous rendre. Vous l'estimez trop peu pour le vouloir garder. Je vous estime trop pour vouloir rien farder. Votre rang et le mien ne sauraient le permettre. Pour garder votre cœur, je n'ai pas où le mettre. La place est occupée. Et je vous l'ai tant dit, prince, que ce discours vous dut être interdit. On le souffre d'abord, mais la suite importune. Que celui qui l'occupe a de bonnes fortunes. Et que serait heureux qui pourrait aujourd'hui disputer cette place et l'emporter sur lui? La place à l'emporter coûterait bien des têtes, seigneur. Ce conquérant garde bien ses conquêtes. Et l'on ignore encore parmi ses ennemis l'art de reprendre un fort qu'une fois il a pris. Celui-ci toutefois peut s'attaquer de sorte que, tout vaillant qu'il est, il faudra qu'il en sorte. Vous pourriez vous méprendre? Et si le roi le veut? Le roi, juste et prudent, ne veut que ce qu'il peut. Et que ne peut ici la grandeur souveraine? Ne parlez pas si haut. Si les rois, je suis reine. Et vers moi, tout l'effort de son autorité n'agit que par prière et par civilité. Non, mais agir ainsi souvent, c'est beaucoup dire. Ô reine, comme vous qu'on voit sous son empire. Et si ce n'est assez des prières d'un roi, Rome, qui m'a nourri, vous parlera pour moi. Rome, seigneur? Oui, Rome. En êtes-vous en doute? Ô seigneur, je crains pour vous qu'un Romain vous écoute. Et si Rome savait, De quel feu vous brûlez? Bien loin de vous prêter l'appui dont vous parlez, elle s'indignerait de voir sa créature à l'éclat de son nom faire une telle injure et vous dégraderait peut-être dès demain du titre glorieux de citoyen romain. Vous l'a-t-elle donné pour mériter sa haine en le déshonorant par l'amour d'une reine et ne savez-vous plus qu'il n'est prince ni roi, qu'elle daigne égaler à ses moindres bourgeois? Pour avoir tant vécu chez ces cœurs magnanimes, vous en avez bientôt oublié les maximes. Reprenez un orgueil digne d'elle et de vous. Remplissez mieux un nom sous qui nous tremblons tous. Et sans plus l'abaisser à cette ignominie d'idolâtrer en vain la reine d'Arménie, songez qu'il faut du moins pour toucher votre cœur la fille d'un tribun ou celle d'un prêteur que Rome vous permet cette haute alliance dont vous aurez exclu le défaut de naissance si l'honneur souverain de son adoption ne vous autorisait à tant d'ambition. Forcez, rompez, brisez de si honteuses chaînes au roi qu'elle méprise, abandonnez les reines et concevez enfin des vœux plus élevés pour mériter les biens qui vous sont réservés. Si cet homme est à vous, imposez-lui silence, madame, et retenez une telle insolence. Pour voir jusqu'à quel point elle pourrait aller, j'ai forcé ma colère à le laisser parler. Mais je crains qu'elle échappe, et que, s'il continue, je ne m'obstine plus à tant de retenue. Seigneur, si j'ai raison, qu'importe à qui je sois, perd-elle de son prix pour emprunter ma voix? Vous-même, amour à part, je vous en fais arbitre. Ce grand nom de Romain est un précieux titre. Et la reine et le roi l'ont assez acheté pour ne se plaire pas à le voir rejeté, puisqu'ils se sont privés pour ce nom d'importance des charmantes douceurs d'élever votre enfance. Dès l'âge de 4 ans, ils vous ont éloigné. Jugez si c'est pour voir ce titre dédaigné, pour vous voir renoncer par l'hymen d'une reine à la part qu'ils avaient à la grandeur romaine. D'un si rare trésor, l'un et l'autre jaloux. Madame, encore un coup, cet homme est-il à vous? Et pour vous divertir, est-il si nécessaire que vous ne lui puissiez ordonner de se taire? Puisqu'il vous a déplu, vous traitant de Romain, je veux bien vous traiter de fils de... souverain. En cette qualité, vous devez reconnaître qu'un prince, votre aîné, doit être votre maître. Craindre de lui déplaire et savoir que le sang ne vous empêche pas de différer de rang. Lui garder le respect qu'exige sa naissance et loin de lui voler son bien en son absence. Si l'honneur d'être à vous est maintenant son bien, dites un mot, madame, et ce sera le mien. Et si l'âge à mon rang fait quelque préjudice, vous en corrigerez la fatale injustice. Mais si je lui dois tant en fils de souverain, permettez qu'une fois je vous parle en romain. Sachez qu'il n'en est point que le ciel n'ait fait naître pour commander aux rois et pour vivre sans maître. Sachez que mon amour est un noble projet pour éviter l'affront de me voir son sujet. Sachez... Je m'en doutais, Seigneur, que ma couronne vous charmait bien, du moins autant que ma personne. Mais telle que je suis et ma couronne et moi, tout est à cet aîné qui sera votre roi. Et s'il était ici, peut-être en sa présence, vous penseriez deux fois à lui faire une offense. Que ne puis-je lui voir? Mon courage amoureux! Faites quelque souhait qui soit moins dangereux, Seigneur. S'il les savait, il pourrait bien lui-même venir d'un tel amour venger l'objet qu'il aime. Insolent, est-ce enfin le respect qui m'est dû? Je ne sais de nous deux, Seigneur, qui l'a perdu. Peux-tu bien me connaître et tenir ce langage? Je sais à qui je parle et c'est mon avantage. Que, n'étant point connu, prince, vous ne savez si je vous dois respect ou si vous m'en devez. Madame, souffrez que ma juste colère... Consultez-en. Seigneur, la reine, votre mère, elle entre. Instruisez mieux le prince, votre fils, madame. Et dites-lui de grâce qui je suis. Faute de me connaître, il s'emporte, il s'égare. Et ce désordre est mal dans une âme si rare, j'en ai pitié. Seigneur, vous êtes donc ici? Oui, madame, j'y suis. Et Métrobate aussi. Métrobate? Ah! Ah, le traître! Il n'a rien dit, madame, qui vous doive jeter aucun trouble dans l'âme. Et qui cause, seigneur, ce retour surprenant? Et votre armée? Elle est sous un bon lieutenant. Quant à mon retour, peu de choses le pressent. J'avais ici laissé mon maître et ma maîtresse. Vous m'avez ôté l'un. Vous, dis-je, ou les Romains, et je viens sauver l'autre et deux et de vos mains. C'est ce qui vous amène? Oui, madame. Et j'espère que vous m'y servirez auprès du roi, mon père. Je vous y servirai comme vous l'espérez. De votre bon vouloir, nous sommes assurés. Il ne tiendra qu'au roi qu'aux effets je ne passe. Vous voulez à tous deux nous faire cette grâce? Tenez-vous assurés que je n'oublierai rien. Je connais votre cœur. Ne doutez pas du mien. Madame, c'est donc là le prince Nicomède? Oui, c'est moi qui viens voir s'il faut que je vous cède. Ah! Seigneur, excusez si vous connaissant mal... Prince, faites-moi voir un plus digne rival. Si vous aviez dessein d'attaquer cette place, ne vous départez point d'une si noble audace. Mais comme à son secours je n'amène que moi, ne la menacez plus de Rome ni du roi. Je la défendrai seule, attaquez-la de même. Avec tous les respects qu'on doit au diadème, je veux bien mettre à part, avec le nom d'aîné, le rang de votre maître où je suis destiné, et nous verrons alors qui fait mieux à un brave homme des leçons d'Hannibal ou de celles de Rome. Adieu, pensez-y bien. Je vous laisse y rêver. Quoi? Tu faisais excuse à qui m'osait braver? Que ne peut point, madame, une telle surprise? Ce prompt retour me perd et rompt votre entreprise. Tu l'entends mal, Attal? Il la met dans ma main! Va trouver de ma part l'ambassadeur romain. Dedans mon cabinet, amène-le sans suite. Et de ton heureux sort, laisse-moi la conduire. Mais, madame, s'il faut... Va, n'appréhende rien. Et pour avancer tout, hâte cet entretien. Lui cacher, madame, un dessein qui le touche. Je crains qu'en l'apprenant, son cœur ne s'effarouche. Je crains qu'à la vertu, par les Romains instruits de ce que je prépare, il ne m'ôte le fruit. Et ne conçoive mal qu'il n'est fourbe ni crime qu'un trône acquis par là le rende légitime. J'aurais cru les Romains un peu moins scrupuleux et la mort d'Hannibal m'eût fait mal juger d'eux. Ne leur impute pas une telle injustice. Un Romain seul l'a fait, et par mon artifice. Rome l'eût laissé vivre, et sa légalité n'eût point forcé les lois de l'hospitalité. Elle aurait vu couler, sans crainte et sans envie, chez un prince allié les restes de sa vie. Le seul Flaminius, trop piqué de l'affront que son père défait lui laisse sur le front. Car je crois que tu sais que quand l'aigle romaine vit choir ses légions au bord du Trasimène, Flaminius, son père, en était général, et qu'il y tomba mort de la main d'Hannibal. Ce fils, donc, qu'a pressé la soif de sa vengeance, s'est aisément rendu de mon intelligence l'espoir d'en voir l'objet entre ses mains remis, à pratiquer par lui le retour de mon fils. Par lui, j'ai jeté Rome en haute jalousie de ce que Nicomède a conquis dans l'Asie. Et de voir Laodice unir tous ses états par l'hymen de ce prince à ceux de Prusillas. Si bien que le Sénat, prenant un juste ombrage d'un empire si grand, sous un si grand courage, il s'en est fait nommer lui-même ambassadeur, pour rompre cet hymen et borner sa grandeur. Et voilà le seul point où Rome s'intéresse. Attal à ce dessein entreprend sa maîtresse. Mais que n'agissait Rome avant que le retour de cet amant si cher affermît son amour? Irriter un vainqueur, en tête d'une armée prête à suivre en tout lieu sa colère allumée, c'était trop hasardé. Et j'ai cru pour le mieux qu'il fallait de son fort l'attirer en ces lieux. Mitrobate l'a fait! Par des terreurs paniques, feignant de lui trahir mes ordres tyranniques, et pour l'assassiner, se disant suborné, il l'a, grâce aux dieux, doucement amené. Il vient s'en plaindre au roi, lui demander justice, et sa plainte le jette au bord du précipice. Sans prendre aucun souci de m'en justifier, je saurais m'en servir à me fortifier. Tantôt, en le voyant, j'ai fait de l'effrayer. J'ai changé de couleur, je me suis écriée. Il a cru me surprendre. Elle a cru bien en vain, puisque son retour même est l'œuvre de ma main. Mais quoi que Rome fasse et qu'Atta le prétende, le moyen qu'à ses yeux la Odysse se rende. Et je n'engage aussi mon fils en cet amour qu'à dessein d'éblouir le roi, Rome et la cour. Je n'en veux point, Cléone, au sceptre d'Arménie. Ah. Je cherche à m'assurer celui de Bithynie. Mmh. Mmh. Et si ce diadème, une fois, est à nous, que cette reine, après, se choisisse un époux, je ne vais la presser que pour la voir rebelle, que pour aigrir les cœurs de son amant et d'elle. Le roi. Mmh. Que le Romain poussera vivement, de peur d'offenser Rome, agira chaudement, et ce prince, piqué d'une juste colère, s'emportera sans doute et bravera son père. S'il est prompt et bouillant, le roi ne l'est pas moins, et comme à l'échauffer, j'appliquerai mes soins. Pour peu qu'à de tels coups cet amant soit sensible, mon entreprise est sûre et sa perte infaillible. Voilà mon cœur ouvert et tout ce qu'il prétend. Mais dans mon cabinet, Flaminius m'attend. Allons et garde bien le secret de la reine. Vous me connaissez trop pour vous en mettre en peine. Revenir sans mon ordre et se montrer ici? Sire, vous auriez tort d'en prendre aucun souci. Et la haute vertu du prince Nicomède, pour ce qu'on peut en craindre, est un puissant remède. Mais tout autre que lui devrait être suspect. Un retour si soudain manque un peu de respect et donne lieu d'entrer en quelque défiance des secrètes raisons de tant d'impatience. Je ne les vois que trop. Et sa témérité n'est qu'un pur attentat sur mon autorité, il n'en veut plus dépendre. Et croit que ses conquêtes au-dessus de son bras ne laissent point de tête, qu'il est lui seul sa règle, et que sans se trahir des héros tels que lui ne saurait obéir. C'est d'ordinaire ainsi que ses pareils agissent. À suivre leurs devoirs, leurs hauts faits se ternissent. Et ses grands cœurs, enflés du bruit de leurs combats, souverains dans l'armée et parmi leurs soldats, font du commandement une douce habitude, pour qui l'obéissance est un métier bien rude. Dis tout, Araspe. Dis que le nom de sujet réduit toute leur gloire en un rentre-pape-jet. Que bien que leur naissance au trône les destine, si son ordre est trop lent, leur grand cœur s'en mutine. Qu'un père garde trop un bien qu'il aurait dû et qui perd de son prix, étant trop attendu. Qu'on voit naître de là mille sourdes pratiques dans le gros de son peuple et dans ses domestiques. Et que si l'on ne va jusqu'à trancher le cours de son règne ennuyeux et de ses tristes jours, du moins une insolente et fausse obéissance, lui laissant un vain titre, usurpe sa puissance. C'est ce que de tout autre il faudrait redouter. Seigneur, et qu'en tout autre, il faudrait arrêter. Mais ce n'est pas pour vous un avis nécessaire. Le prince est vertueux, et vous êtes bon père. Si je n'étais bon père, il serait criminel. Il doit son innocence à l'amour paternel. C'est lui seul qui l'excuse et qui le justifie. Ou lui seul qui me trompe et qui me sacrifie. Car je dois craindre enfin que sa haute vertu, contre l'ambition, n'ait en vain combattu. Qu'il ne force en son cœur la nature à se taire. Qui se lasse d'un roi peut se lasser d'un père. 1000 exemples sanglants nous peuvent l'enseigner. Il n'est rien qui ne cède à l'ardeur de régner. Et depuis qu'une fois elle nous inquiète, la nature est aveugle et la vertu muette. Te le dirai-je, Araspe, il m'a trop bien servi. Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravi. Il n'est plus mon sujet qu'autant qu'il le veut être, et qui me fait régner en effet est mon maître. Pour paraître à mes yeux, son mérite est trop grand. On n'aime point avoir ceux à qui l'on doit tant. Tout ce qu'il a fait parle au moment qu'il m'approche, et sa seule présence est un secret reproche. Elle me dit toujours qu'il m'a fait 3 fois roi. Que je tiens plus de lui qu'il ne tiendra de moi, et que si je lui laisse un jour une couronne, ma tête en porte 3 que sa valeur me donne. J'en rougis dans mon âme, et ma confusion qui renouvelle et croît à chaque occasion, sans cesse offre à mes yeux cette vue importune que qui m'en donne 3 peut bien m'en ôter 1. Qu'il n'a qu'à l'entreprendre et peut tout ce qu'il veut. Juge Araspe où j'en suis, s'il veut tout ce qu'il peut. Pour tout autre que lui, je sais comme s'explique la règle de la vraie et saine politique. Aussitôt qu'un sujet s'est rendu trop puissant, encore qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent. On n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre. C'est un crime d'État que d'en pouvoir commettre. Et qui sait bien régner, l'empêche prudemment de mériter un juste et plus grand châtiment et prévient, par un ordre à tous deux salutaire, ou les maux qu'il prépare ou ceux qu'il pourrait faire. Mais, seigneur, pour le prince, il a trop de vertu. Je vous l'ai déjà dit. Et m'en répondras-tu? Me seras-tu garant de ce qu'il pourra faire pour venger Hannibal ou pour perdre son frère? Et le prends-tu pour homme à voir d'un œil égal et l'amour de son frère et la mort d'Hannibal? Non. Ne nous flattons point, il court à sa vengeance. Il en a le prétexte, il en a la puissance. Il est l'astre naissant qu'adorent mes états. Il est le dieu du peuple et celui des soldats, sûr de ceux-ci. Sans doute il vient soulever l'autre, fondre avec son pouvoir sur le reste du nôtre. Mais se peut qu'il m'en reste, encore que languissant n'est pas peut-être encore tout à fait impuissant. Je veux bien toutefois agir avec adresse, joindre beaucoup d'honneur à bien peu de rudesse, le chasser avec gloire et mêler doucement le prix de son mérite à mon ressentiment. Mais s'il ne m'obéit ou s'il ose s'en plaindre, quoi qu'il ait fait pour moi, quoi que j'en doive craindre, dussé-je voir par là tout l'état hasardé? Il vient. Vous voilà, prince. Et qui vous a mandé? La seule ambition de pouvoir en personne mettre à vos pieds, seigneur, encore une couronne. De jouir de l'honneur de vos embrassements et d'être le témoin de vos contentements, Après la Cappadoce, heureusement unie au royaume du Ponte et de la Bithynie, je viens remercier, et mon père, et mon roi, d'avoir eu la bonté de s'y servir de moi, d'avoir choisi mon bras pour une telle gloire et fait tomber sur moi l'honneur de sa victoire. Vous pouviez vous passer de mes embrassements, me faire pareil cri de tels remerciements. Et vous ne deviez pas envelopper d'un crime ce que votre victoire ajoute à votre estime. Abandonnez mon camp en est un capital, inexcusable en tous et plus au général. Et tout autre que vous, malgré cette conquête, revenant sans mon ordre, eût payé de sa tête. J'ai failli, je l'avoue. Et mon cœur imprudent a trop cru les transports d'un désir trop ardent. L'amour que j'ai pour vous a commis cette offense. Lui seul à mon devoir fait cette violence. Si le bien de vous voir m'était moins précieux, je serais innocent. Mais si loin de vos yeux que j'aime mieux, Seigneur, en perdre un peu d'estime, et qu'un bonheur si grand me coûte un petit crime qui ne craindra jamais la plus sévère loi si l'amour juge en vous ce qu'il a fait en moi. La plus mauvaise excuse est assez pour un père. Et sous le nom d'un fils, toute faute est légère. Je ne veux voir en vous que mon unique appui. Recevez tout l'honneur qu'on vous doit aujourd'hui. L'ambassadeur romain me demande audience. Il verra ce qu'en vous je prends de confiance. Vous l'écouterez, prince, et répondrez pour moi. Vous êtes aussi bien le véritable roi. Je n'en suis plus que l'ombre. Et là, je ne m'en laisse qu'un vain titre d'honneur qu'on rend à ma vieillesse. Je n'ai plus que 2 jours, peut-être, à le garder. L'intérêt de l'État vous doit seul regarder. Prenez-en aujourd'hui la marque la plus haute, mais gardez-vous aussi d'oublier votre faute, et comme elle fait brèche au pouvoir souverain, pour la bien réparer, retournez dès demain. Remettez en éclat la puissance absolue, attendez-la de moi comme je l'ai reçue inviolable, entière, et n'autorisez pas de plus méchant que vous à la mettre plus bas. Le peuple qui vous voit, la cour qui vous contemple, vous désobéirait sur votre propre exemple. Donnez-leur un autre et montrez à leurs yeux que nos premiers sujets obéissent le mieux. J'obéirai, Seigneur, et plus tôt qu'on ne pense. Mais je demande un prix de mon obéissance. La reine d'Arménie est due à ses états et j'en vois les chemins ouverts par nos combats. Il est temps qu'en son ciel cet astre aille reluire. De grâce, accordez-moi l'honneur de l'y conduire. Il n'appartient qu'à vous. Et cet illustre emploi demande un roi lui-même ou l'héritier d'un roi. Mais pour la renvoyer jusqu'en son Arménie, vous savez qu'il y faut quelques cérémonies. Tandis que je ferai préparer son départ, vous irez dans mon camp l'attendre de ma part. Elle est prête à partir sans plus grand équipage. Je ne garde à son rang de faire un tel outrage. Mais l'ambassadeur entre. Il le faut écouter. Puis nous verrons quel ordre on y doit apporter. Sur le point de partir, Rome, Seigneur, me mande que je vous fasse encore pour elle une demande. Rome a nourri 20 ans un prince, votre fils, et vous pouvez juger les soins qu'elle en a pris par les hautes vertus et les illustres marques qui font briller en lui le sang de vos monarques. Surtout, il est instruit en l'art de bien régner. C'est à vous de le croire et de le témoigner. Si vous faites état de cette nourriture, faites-le donc régner, Rome vous en conjure, et vous offenseriez l'estime qu'elle en fait si vous le laissiez vivre et mourir en sujet. Faites donc aujourd'hui que je lui puisse dire où vous lui destinez un souverain empire. Les soins, compris de lui, le peuple et le Sénat, ne trouveront en moi jamais un père ingrat. Je crois que pour régner, il en a les mérites, et n'en veux point douter après ce que vous dites. Mais vous voyez, Seigneur, le prince, son aîné, dont le bras généreux 3 fois m'a couronné, il ne fait que sortir encore d'une victoire. Et pourtant de haut fait, je lui dois quelque gloire. Souffrez qu'il ait l'honneur de répondre pour moi. Seigneur, c'est à vous seul de faire Atta le roi. C'est votre intérêt seul que sa demande touche. Le vôtre, toutefois, m'ouvrira seul la bouche. De quoi se mêle Rome ? Et d'où prend le Sénat, vous vivant, vous régnant ce droit sur votre état, vivez. Régnez, Seigneur, jusqu'à la sépulture, et laissez faire après vous Rome ou la nature. Pour de pareilles amuses, il faut se faire effort. Qui partage vos biens aspire à votre mort, et de pareilles amuses en bonne politique. Ah ! Ne me brouillez point avec la République. Portez plus de respect à de tels alliés. Je ne puis voir sous eux les rois humiliés. Et quel que soit ce fils que Rome vous renvoie, Seigneur, je lui rendrai son présent avec joie. S'il est si bien instruit en l'art de commander, c'est un rare trésor qu'elle devrait garder et conserver chez soi sa chère nourriture, ou pour le consulat ou pour la dictature. Seigneur, dans ce discours qui nous traite si mal, vous voyez en effet des leçons d'Hannibal. Ce perfide ennemi de la grandeur romaine n'en a mis en son cœur que méprise et que haine. Non, mais il m'a surtout laissé ferme en ce point d'estimer beaucoup Rome et ne la craindre point. On me croit son disciple et je le tiens à gloire. Et quand Flaminius attaque sa mémoire, il doit savoir qu'un jour il me fera raison d'avoir réduit mon maître au secours du poison. Et n'oubliez jamais qu'autrefois, ce grand homme commença par son père à triompher de Rome. Oh ! C'est trop outragé ! N'outragez plus les morts. Et vous ne cherchez point à former de discord ? Parlez et nettement sur ce qu'il me propose. Eh bien, s'il est besoin de répondre autre chose, Attal doit régner, Rome l'a résolu. Et comme elle a partout un pouvoir absolu, c'est au roi d'obéir alors qu'elle commande. Attal a le cœur grand, l'esprit grand, l'âme grande, et toutes les grandeurs dont se fait un grand roi. Mais c'est trop que d'en croire un Romain sur sa foi par quelque grand effet. Voyons s'il en est digne. S'il a cette vertu, cette valeur insigne, donnez-lui votre armée et voyons ses grands coups. Qu'il en fasse pour lui ce que j'ai fait pour vous. Qu'il règne avec éclat sur sa propre conquête et que de sa victoire il couronne sa tête. Je lui prête mon bras et veux, dès maintenant, s'il daigne s'en servir, être son lieutenant. L'exemple des Romains m'autorise à le faire. Le fameux Scipion le fut bien de son frère. Et lorsqu'Antiochus fut par eux détrôné, sous les lois du plus jeune, on vit marcher l'aîné, les bords de l'Hellespont. Ceux de la mer Égée, les restes de l'Asie à nos côtés rangés, offrent une matière à son ambition. Rome prend tout ce reste en sa protection. Et vous n'y pouvez plus étendre vos conquêtes sans attirer sur vous d'effroyables tempêtes. J'ignore sur ce point les volontés du roi, mais peut-être qu'un jour je dépendrai de moi et nous verrons alors l'effet de ces menaces. Vous pouvez, cependant, fortifier ces places, préparer un obstacle à mes nouveaux desseins, disposer de bonne heure un secours de Romains, et si Flaminius en est le capitaine, nous pourrons lui trouver un lac de Trasimène. Prince, vous abusez trop tôt de ma bonté. Le rang d'ambassadeur doit être respecté et l'honneur souverain qu'ici je vous défère. Laissez-moi parler, sire, ou faites-moi taire. Je ne sais point répondre autrement pour un roi à qui dessus son trône on veut faire la loi. Vous m'offensez moi-même en parlant de la sorte et vous devez dompter l'ardeur qui vous emporte. Quoi, je verrai, seigneur, qu'on borne vos états qu'au milieu de ma course on m'arrête le bras. Que de vous menacer on a même l'audace et je ne rendrai point menace pour menace et je remercierai qui me dit hautement qu'il ne m'est plus permis de vaincre impunément. Seigneur, vous pardonnez aux chaleurs de son âge. Le temps et la raison pourront le rendre sage. La raison et le temps m'ouvrent assez les yeux et l'âge ne fera que me les ouvrir mieux. Si j'avais jusqu'ici vécu comme ce frère avec une vertu qui fut imaginaire, car je l'appelle ainsi, quand elle est sans effet, et l'admiration de tant d'hommes parfaits dont il a vu, dans Rome, éclater le mérite n'est pas grande vertu si l'on ne les imite. Si j'avais donc vécu dans ce même repos qu'il a vécu dans Rome, auprès de ces héros, Rome me laisserait la Bithynie entière, telle que de tout temps l'aîné la tient d'un père, et s'empresserait moins à le faire régner si vos armes sous moi n'avaient su rien gagner. Mais puisque Rome voit, avec la Bithynie, par trois sceptres conquis trop de puissance unie, il faut la diviser. Et dans ce beau projet, mon frère est trop bien né pour être mon sujet, puisqu'il peut servir Rome à me faire redescendre. Il a plus de vertu que n'en eut Alexandre, et je dois lui céder pour le mettre en mon rang le bien de mes aïeuses ou le prix de mon sang. Grâce aux immortels, l'effort de mon courage et ma grandeur future ont mis Rome en ombrage. Vous pouvez l'en guérir, seigneur, et promptement. Mais n'exigez d'un fils aucun consentement. Le maître qui prit soin d'instruire ma jeunesse ne m'a jamais appris à faire une bassesse. Ah, ce que je puis voir, vous avez combattu, prince, par intérêt, plutôt que par vertu. Les plus rares exploits que vous ayez pu faire n'ont jeté qu'un dépôt sur la tête d'un père. Il n'est que le gardien de ces illustres prix, et ce n'est que pour vous que vous avez conquis, puisque cette grandeur à son trône attaché sur nul autre que vous ne peut être épanchée. Certes, je vous croyais un peu plus généreux. Quand les Romains le sont, ils ne font rien pour eux. Scipion, dont tantôt vous vantiez le courage, ne voulait point régner sur les murs de Carthage et de tout ce qu'il fit pour l'Empire romain. Il n'en eut que la gloire et le nom d'Africain. Mais on ne voit qu'à Rome une vertu si pure. Le reste de la terre est d'une autre nature. Quant aux raisons d'État qui vous font concevoir que nous craignons en vous l'union du pouvoir, si vous en consultiez des têtes bien sensées, elles vous déferaient de ces belles pensées. Par respect pour le roi, je ne dis rien de plus. Prenez quelque loisir de rêver là-dessus. Laissez moins de fumée à vos feux militaires et vous pourrez avoir des visions plus claires. Le temps pourra donner quelques décisions si la pensée est belle ou si c'est vision. Cependant, si vous trouvez des charmes à pousser plus avant la gloire de vos armes, nous ne la bornons point. Mais comme il est permis contre qui que ce soit de servir ses amis, si vous ne le savez, je veux bien vous l'apprendre et vous en donne avis pour ne vous pas surprendre. Au reste, soyez sûr que vous posséderez tout ce qu'en votre cœur déjà vous dévorez. Le pont sera pour vous avec la Galatie, avec la Cappadoce, avec la Bithynie. Ce bien de vos aïeux, ces prix de votre sang, ne mettront point à tal en votre illustre rang, et puisque leur partage est pour vous un supplice, Rome n'a pas dessein de vous faire injustice. Ce prince régnera sans rien prendre sur vous. La reine d'Arménie a besoin d'un époux, seigneur. L'occasion ne peut être plus belle. Elle vit sous vos lois et vous disposez d'elle. Voilà le vrai secret de faire Attal le roi. Comme vous l'avez dit, sans rien prendre sur moi. La pièce est délicate, et ceux qui l'ont tissue à de si longs détours font une digne issue. Je n'y réponds qu'un mot. Étant sans intérêt, traitez cette princesse en reine comme elle est. Ne touchez point en elle au droit du diadème où pour les maintenir je périrai moi-même, je vous en donne avis. Et que jamais les rois pour vivre en nos états ne vivent sous nos lois, qu'elle seule en ces lieux d'elle-même dispose. N'avez-vous ni commède à lui dire autre chose ? Rien, sinon que, seigneur, votre épouse, après tout, sachant ce que je puis, me pousse trop à bout. Contre elle, dans ma cour, que peut votre insolence ? Rien du tout que garder ou rompre le silence. une seconde fois avisé, s'il vous plaît, à traiter Laodice en reine comme elle l'est. C'est moi qui vous en prie. Et quoi? Toujours obstacle? De la part d'un amant, ce n'est pas un grand miracle. Cet orgueilleux esprit enflé de ses succès pense bien de son cœur nous empêcher l'accès. Mais il faut que chacun suive sa destinée. L'amour entre les rois ne fait pas l'hyménée. Et les raisons d'État plus fortes que ses nœuds trouvent bien les moyens d'en éteindre les feux. Comme elle a de l'amour, elle aura du caprice. Non. Non, je vous réponds, seigneur de Laodice, mais enfin, elle est reine. Et cette qualité semble exiger de nous quelques civilités. J'ai sur elle après tout une puissance entière, mais j'aime à la cacher sous le nom de prière. Rendons-lui donc visite. Et comme ambassadeur, proposez cet hymen vous-même à sa grandeur. Je seconderai Rome et veux vous introduire. Puisqu'elle est en nos mains, l'amour ne vous peut nuire. Allons de sa réponse à votre compliment prendre l'occasion de parler hautement. Puisque ce titre a pour vous tant de charme, sa perte vous devrait donner quelques alarmes. Qui tranche trop du roi ne règne pas longtemps. J'observerai, Seigneur, ces avis importants. Et si jamais je règne, on verra la pratique d'une si salutaire et noble politique. Vous vous mettez fort mal au chemin de régner. Seigneur, si je m'égare, on peut me l'enseigner. Vous méprisez trop Rome. Et vous devriez faire plus d'estime d'un roi qui vous tient lieu de père. Vous verriez qu'à tous deux je rends ce que je dois, si vous vouliez mieux voir ce que c'est qu'être roi. Recevoir ambassade en qualité de reine, ce serait à vos yeux faire la souveraine, entreprendre sur vous et dedans votre état, sur votre autorité, commettre un attentat. Je la refuse donc, Seigneur. Et me dénie l'honneur qui ne m'est dû que dans mon Arménie. C'est là que sur mon trône, avec plus de splendeur, je puis honorer Rome en son ambassadeur, faire réponse en reine et comme le mérite et de qui l'on me parle et qui m'en sollicite. Ici, c'est un métier que je n'entends pas bien, car hors de l'Arménie, enfin, je ne suis rien. Et ce grand nom de reine ailleurs ne m'autorise qu'à n'y voir point de trône à qui je sois soumise, à vivre indépendante et n'avoir en tout lieu pour souverain que moi, la raison et les dieux. Ces dieux, vos souverains et le roi, votre père, de leur pouvoir sur vous m'ont fait dépositaire et vous pourrez peut-être apprendre une autre fois ce que c'est en tout lieu que la raison des rois. Pour en faire l'épreuve, allons en Arménie, je vais vous y remettre en bonne compagnie. Partons. Et dès demain, puisque vous le voulez, préparez-vous à voir vos pays désolés. Préparez-vous à voir par toute votre terre ce qu'ont de plus affreux les fureurs de la guerre. Des montagnes de morts, des rivières de sang. Je perdrai mes états et garderai mon rang. Et ces vastes malheurs où mon orgueil me jette me feront votre esclave et non votre sujette. Ma vie est en vos mains, mais non ma dignité. Nous ferons bien changer ce courage indompté. Et quand vos yeux, frappés de toutes ces misères, verront Attale, assise au trône de vos pères, alors peut-être alors, Vous le prierez en vain que pour y remonter, il vous donne la main. Si jamais jusque-là votre guerre m'engage, je serai bien changée. Et d'âme, et de courage. Mais peut-être, Seigneur, vous n'irez pas si loin. Les dieux de ma fortune auront un peu de soin. Ils vous inspireront ou trouveront un homme contre tant de héros que vous prêtera Rome. Sur un présomptueux, vous fondez votre appui, mais il court à sa perte et vous traîne avec lui. Pensez-y bien, madame, et faites-vous justice. Choisissez d'être reine ou d'être Laodice. Et pour dernier avis que vous aurez de moi, si vous voulez régner, faites Attal roi. Adieu. Madame, enfin, une vertu parfaite. Suivez le roi, Seigneur. Votre ambassade est faite. Et je vous dis encore, pour ne vous point flatter, qu'ici, je ne la dois ni la veux écouter. Et je vous parle aussi dans ce péril extrême, moins en ambassadeur qu'en homme qui vous aime, et qui, touché du sort que vous vous préparez, tâche à rompre le cours des maux où vous courez. J'ose donc, comme ami, vous dire en confidence qu'une vertu parfaite a besoin de prudence et doit considérer pour son propre intérêt et les temps où l'on vit et les lieux où l'on est. La grandeur de courage en une âme royale n'est sans cette vertu qu'une vertu brutale, que son mérite aveugle et qu'un faux jour d'honneur jette en un tel divorce avec le vrai bonheur. Qu'elle-même se livre à ce qu'elle doit craindre, ne se fait admirer que pour se faire plaindre, que pour nous pouvoir dire, après un grand soupir, « J'avais droit de régner, et n'ai su m'en servir. » Vous irritez un roi, dont vous voyez l'armée nombreuse, obéissante, à vaincre accoutumée. Vous êtes en ses mains, vous vivez dans sa cour. Je ne sais si l'honneur eut jamais un faux jour, Seigneur. Mais je veux bien vous répondre en ami. Ma prudence n'est pas tout à fait endormie. Et sans examiner par quel destin jaloux la grandeur de courage est si mal avec vous, je veux vous faire voir que celle que j'étale n'est pas, tant qu'il vous semble, une vertu brutale. Que si j'ai droit au trône, elle s'en veut servir. Et c'est bien repousser qui me le veut ravir. Je vois sur la frontière une puissante armée, comme vous l'avez dit, à vaincre, accoutumée. Mais sous quelle conduite? Et par quel général? Le roi, s'il s'en fait fort, pourrait s'en trouver mal, et s'il voulait passer de son pays au nôtre, je lui conseillerais de s'assurer d'une autre. Mais je vis dans sa cour, je suis dans ses états, et j'ai peu de raisons de ne le craindre pas. Seigneur, dans sa cour même, et hors de l'Arménie, la vertu trouve appui contre la tyrannie. Tout son peuple a des yeux pour voir qu'elle attend à fond sur le bien public, les maximes d'État. Il connaît Nicomède, il connaît Samarâtre, il en sait, il en voit la haine opiniâtre, il voit la servitude où le roi s'est soumis et connaît d'autant mieux les dangereux amis. Pour moi, que vous croyez au bord du précipice, bien loin de mépriser Attal par caprice, j'évite les mépris qu'il recevrait de moi s'il tenait de ma main la qualité de roi. Je le regarderai comme une âme commune, comme un homme mieux né pour une autre fortune, plus mon sujet qu'époux. Et le nœud conjugal ne le tirerait pas de ce rang inégal. Mon peuple, à mon exemple, en ferait peu d'estime. Ce serait trop, Seigneur, pour un cœur magnanime. Mon refus lui fait grâce. Et malgré ses désirs, j'épargne à sa vertu d'éternel déplaisir. Si vous me dites vrai, vous êtes ici reine. Sur l'armée et la cour, je vous vois souveraine. Le roi n'est qu'une idée, et n'a de son pouvoir que ce que par pitié vous lui laissez avoir. Quoi même, vous allez jusque à faire grâce. Après cela, madame, excusez mon audace. Souffrez que Rome enfin vous parle par ma voix. Recevoir ambassade est encore de vos droits. Ou, si ce nom vous choque ailleurs qu'en Arménie, comme simple Romain, souffrez que je vous dis qu'être allié de Rome et s'en faire un appui, c'est l'unique moyen de régner aujourd'hui, que c'est par là qu'on tient ses voisins en contrainte, ses peuples en repos, ses ennemis en crainte, qu'un prince est dans son trône à jamais affermi, quand il est honoré du nom de son ami Catal. Avec ce titre, est plus roi, plus monarque que tous ceux dont le front ose en porter la marque, et qu'enfin... Il suffit. Je vois bien ce que c'est. Tous les rois ne sont rois qu'autant comme il vous plaît. Mais si de leurs états Rome, à son gré, dispose, certes pour son natal, elle fait peu de choses, et qui tient en sa main tant de quoi lui donner à mendier pour lui, devrait moins s'obstiner. Pour un prince si cher, sa réserve m'étonne que ne me l'offre-t-elle avec une couronne. C'est trop m'importuner en faveur d'un sujet. Moi, qui tiendrais un roi pour un indigne objet s'il venait par votre ordre, et si votre alliance souillait entre ses mains la suprême puissance. Ce sont des sentiments que je ne puis trahir. Je ne veux point de roi qui sache t'obéir. Et... puisque vous voyez mon âme tout entière, Seigneur, ne perdez plus menace ni prière. Puis-je ne pas vous plaindre en cet aveuglement, madame? Encore un coup, pensez-y mûrement. Songez mieux ce qu'est Rome et ce qu'elle peut faire. Et si vous vous aimez, craignez de lui déplaire. Carthage étant détruite, Antiochus défait. Rien de nos volontés ne peut troubler les faits. Tout fléchit sur la terre et tout tremble sur l'onde. Et Rome est aujourd'hui la maîtresse du monde. La maîtresse du monde. Ah ! Vous me feriez peur s'il ne s'en fallait pas l'Arménie et mon cœur. Si le grand Hannibal n'avait qui lui succède, s'il ne revivait pas au prince Nicomède, et s'il n'avait laissé dans de si dignes mains l'infaillible secret de vaincre les Romains. Ainsi, vaillant disciple aura bien le courage d'en mettre jusqu'au bout les leçons en usage. L'Asie en fait l'épreuve. Où trois sceptres conquis font voir en quelle école il en a tant appris. Ce sont des coups d'essai, mais si grands que peut-être... le Capitole a droit d'en craindre un coup de maître et qu'il ne puisse un jour... Ce jour est encore loin, madame. Et quelques-uns vous diront au besoin quel dieu du haut en bas renverse les profanes. Et que même au sortir de Trébie et de Cannes, son ombre épouvanta votre grand Hannibal. Mais le voici, ce bras à Rome si fatal. Où Rome, à ses agents, donne un pouvoir bien large, où vous êtes bien long à faire votre charge. Je sais quel est mon ordre. Et si j'en sors ou non, c'est à d'autres qu'à vous que j'en rendrai raison. Allez-y donc, de grâce. Et laissez à ma flamme le bonheur, à son tour, d'entretenir madame. Vous avez, dans son cœur, fait de si grands progrès. Et vos discours, pour elle, ont de si grands attraits que, sans de grands efforts, je n'y pourrais détruire ce que votre harangue y voulait introduire. Les malheurs où la plonge une indigne amitié me faisaient lui donner un conseil, par pitié. Lui donner de la sorte un conseil charitable, c'est être ambassadeur et tendre et pitoyable. Vous a-t-il conseillé beaucoup de lâcheté, madame? Ah, c'en est trop. Et vous vous emportez. Je m'emporte. Sachez... qu'il n'est point de contrée ou d'un ambassadeur, la dignité sacrée... Ne nous vantez plus tant son rang et sa splendeur. Qui fait le conseiller n'est plus ambassadeur. Il excède sa charge et lui-même y renonce. Mais dites-moi, madame, a-t-il eu sa réponse ? Oui, seigneur. Sachez donc que je ne vous prends plus que pour l'agent d'Attal et pour Flaminius. Et si vous me fâchez, j'ajouterai peut-être que pour l'empoisonneur d'Hannibal, de mon maître, voilà tous les honneurs que vous aurez de moi. S'ils ne vous satisfont, allez-vous plaindre au roi ? Il me fera justice, encore qu'il soit bon père, ou Rome, à son refus, cela saura bien faire. Allez, de l'un et l'autre, embrassez les genoux. Les effets répondront. Prince, pensez à vous. Cet avis est plus propre à donner à la reine. Ma générosité cède enfin à sa haine. Je l'épargnais assez pour ne découvrir pas les infâmes projets de ses assassinats, mais enfin on m'y force, et tout son crime éclate. J'ai fait entendre au roi Zénon et Métrobate, et comme leur rapport a de quoi l'étonner, lui-même, il prend le soin de les examiner. Je ne sais pas, seigneur, quelle en sera la suite. Mais... je ne comprends point toute cette conduite, ni comme à cet éclat la reine ne vous contraint plus, elle vous doit craindre, et moins elle vous craint. Et plus vous la pouvez accabler d'infamie, plus elle vous attaque en mortel ennemi. Elle prévient ma plainte, et cherche adroitement à la faire repasser pour un ressentiment. Et ce masque trompeur de fausse hardiesse nous déguise sa crainte et couvre sa faiblesse. Les mystères de cour, souvent, sont si cachés, que les plus clairvoyants y sont bien empêchés. Lorsque vous n'étiez point ici pour me défendre, je n'avais contre Attal aucun combat à rendre. Rome ne songeait point à troubler notre amour. Bien plus, on ne vous souffre ici que ce seul jour. Et dans ce même jour, Rome, en votre présence, avec chaleur pour lui, presse mon alliance. Pour moi, je ne vois goutte à ce raisonnement qui n'attend point le temps de votre éloignement et j'ai devant les yeux toujours quelques nuages qui m'offusquent la vue et m'y jettent un ombrage. Le roi chérit sa femme, il craint Rome et pour vous, s'il ne voit vos hauts faits d'un œil un peu jaloux, du moins à dire tout, je ne saurais vous taire qu'il est trop bon mari pour être assez bon père. Voyez quel contretemps Attal prend ici. Qu'il appelle avec nous, quel projet, quel souci. J'en conçois mal, seigneur, ce qu'il faut que j'en pense, mais j'en romprai le coup s'il faut ma présence. Je vous quitte. Madame, un si doux entretien n'est plus charmant pour vous quand j'y mêle le mien ? Votre importunité, que j'ose dire extrême, me peut entretenir en un autre moi-même ? Il connaît tout mon cœur et répondra pour moi comme à Flaminius il a fait pour le roi. Puisque c'est la chassée, seigneur, je me retire. Non, non, j'ai quelque chose aussi bien à vous dire. Je voulais mettre à part avec le nom d'aîné l'avantage du trône où je suis destiné. Et voulant seul ici défendre ce que j'aime, je vous avais prié de l'attaquer de même et de ne mêler point surtout dans vos desseins ni le secours du roi ni celui des Romains. Mais où vous n'avez pas la mémoire fort bonne ? Ou vous n'y mettez rien de ce qu'on vous ordonne. Seigneur, vous me forcez à m'en souvenir mal quand vous n'achevez pas de rendre tout égal. Vous vous défaites bien de quelques droits d'aînesse, mais vous défaites-vous du cœur de la princesse ? De toutes les vertus qui vous en font aimer, des hautes qualités qui savent tout charmer, des trois sceptres conquis, du gain de 6 batailles, des glorieux assauts de plus de 100 murailles ? Avec de tels seconds, rien n'est pour vous douteux. Rendez donc la princesse égale entre nous deux. Ne lui laissez plus voir ce long amas de gloire qu'à pleine main sur vous a versé la victoire. Et faites qu'elle puisse oublier une fois et vos rares vertus et vos fameux exploits. Ou contre son amour, contre votre vaillance, souffrez Rome et le roi, dedans l'autre balance. Le peu qu'ils ont gagné, vous faites assez juger qu'ils n'y mettront jamais qu'un contrepoids léger. C'est n'avoir pas perdu tout votre temps à Rome que vous savoir ainsi défendre en galant homme. Vous avez de l'esprit, si vous n'avez du cœur. Seigneur, le roi vous mande. Il me mande? Oui, seigneur. Prince, la calomnie est aisée à détruire. J'ignore à quel sujet vous m'en venez instruire, moi qui ne doute point de cette vérité, madame. Si jamais vous n'en aviez douté, prince, vous n'auriez pas, sous l'espoir qui vous flatte, amené de si loin Zénon et Métrobate. Je m'obstinais, madame, à tout dissimuler, mais vous m'avez forcé de les faire parler. La vérité les forçait mieux que vos largesses. Ces hommes du commun tiennent mal leurs promesses. Tous deux en ont plus dit qu'ils n'avaient résolu. J'en suis fâché pour vous, mais vous l'avez voulu. Je le veux bien encore. Et je n'en suis fâchée que d'avoir vu par là votre vertu tachée, et qu'il faille ajouter à vos titres d'honneur la noble qualité de mauvais suborneur. Je les ai subornés contre vous à ce compte? J'en ai le déplaisir. Vous en aurez la honte. Et vous pensez par là leur ôter tout crédit? Non, seigneur, je me tiens à ce qu'ils en ont dit. Qu'ont-ils dit qui vous plaise et que vous vouliez croire? Deux mots de vérité qui vous comblent de gloire. Peut-on savoir de vous ces deux mots importants? Seigneur, le roi s'ennuie et vous tardez longtemps. Vous les saurez du roi. C'est trop le faire attendre. Je commence, madame, enfin à vous entendre. Son amour conjugal chassant le paternel vous fera l'innocente et moi, le criminel. Mais... Achevez, seigneur, ce « mais » que veut-il dire? Deux mots de vérité qui font que je respire. Peut-on savoir de vous ces deux mots importants? Vous les saurez du roi, je tarde trop longtemps. Nous triomphons à Tal, et ce grand Nicomède voit quelle digne issue à ses fourbes succède. Les deux accusateurs que lui-même a produits, que pour l'assassiner, je dois avoir séduit. Pour me calomnier, suborné par lui-même, non su bien soutenir un si noir stratagème. Tous deux m'ont accusé. Et tous deux avoué l'infâme et lâche tour qu'un prince m'a joué. Qu'en présence des rois, les vérités sont fortes. Que pour sortir d'un cœur, elles trouvent de porte. Qu'on en voit le mensonge aisément confondu. Tous deux voulaient me perdre. Et tous deux l'ont perdu. Je suis ravi de voir qu'une telle imposture ait laissé votre gloire est plus grande et plus pure. Mais pour l'examiner et bien voir ce que c'est, si vous pouviez vous mettre un peu hors d'intérêt, vous ne pourriez jamais sans un peu de scrupule avoir pour deux méchants une âme si crédule. Ces perfides, tous deux se sont dit aujourd'hui, et suborné par vous et suborné par lui? Contre tant de vertus, contre tant de victoires, doit-on quelque croyance à des âmes si noires? Qui, ce qu'on fait ce traître, est indigne de foi? Vous êtes généreuse, Attal, et je le vois. Même de vos rivaux, la gloire vous est chère. Si je suis son rival, je suis aussi son frère. Nous ne sommes qu'un sang, et ce sang, dans mon cœur, a peine à le passer pour calomniateur. Et vous en avez moins à me croire assassine, moi, dont la perte est sûre, à moins que sa ruine. Si contre lui j'ai peine à croire ses témoins, quand il vous accusait, je les croyais bien moins. Votre vertu, madame, est au-dessus du crime. Souffrez donc que pour lui je garde un peu d'estime. La sienne, dans la cour, lui fait mille jaloux dont quelqu'un a voulu le perdre auprès de vous. Et ce lâche attentat n'est qu'un trait de l'envie qui s'efforce à noircir une si belle vie. Pour moi, si par soi-même on peut juger d'autrui, ce que je sens en moi, je le présume en lui. Contre un si grand rival, j'agis à force ouverte. Sans blesser son honneur, sans pratiquer sa perte, j'emprunte du secours et le fais hautement. Je crois qu'il n'agit pas moins généreusement, qu'il n'a que les desseins où sa gloire l'invite et n'oppose à mes voeux que son propre mérite. Vous êtes peu du monde et savez mal la cour. Est-ce autrement qu'en prince, on doit traiter l'amour? Vous le traitez, mon fils, et parlez-en, jeune homme. Madame, je n'ai vu que des vertus à Rome. Le temps vous apprendra par de nouveaux emplois quelles vertus il faut à la suite des rois. Cependant, si le prince est encore votre frère, souvenez-vous aussi que je suis votre mère. Et malgré les soupçons que vous avez conçus, venez savoir du roi ce qu'il croit là-dessus. Faites venir le prince à Rasp. Et vous, madame, retenez des soupirs dont vous me percez l'âme. Quel besoin d'accabler mon cœur de vos douleurs quand vous y pouvez tout, sans le secours des pleurs. Quel besoin que ces pleurs prennent votre défense. Doutez-je de son crime ou de votre innocence? Et reconnaissez-vous que tout ce qu'il m'a dit par quelque impression ébranle mon esprit? Seigneur, est-il rien qui répare l'injure que fait à l'innocence un moment d'imposture? Et peut-on voir mensonge assez tôt avorté pour rendre à la vertu toute sa pureté? Il en reste toujours quelqu'un digne mémoire qui porte une souillure à la plus haute gloire. Combien dans votre cour est-il de médisants? Combien le prince a-t-il d'aveugles partisans qui, sachant une fois qu'on m'a calomnié, croiront que votre amour m'a seul justifié? Et si la moindre trace en demeure à mon nom? Si le moindre du peuple en conserve un soupçon, suis-je digne de vous? Et de telles alarmes touchent-elles trop peu pour mériter mes larmes? C'est trop de scrupules et trop mal présumé d'un mari qui vous aime et qui vous doit aimer. La gloire est plus solide après la calomnie et brille d'autant mieux qu'elle s'envie ternie. Mais voici Nicomède, et je veux aujourd'hui... Grâce! Grâce, Seigneur, à notre unique appui! Grâce à tant de lauriers en sa main si fertile! Grâce à ce conquérant, à ce preneur de ville! Grâce! De quoi, madame? Est-ce d'avoir conquis 3 sceptres que ma perte expose à votre fils? D'avoir porté si loin vos armes dans l'Asie que même votre Rome en a pris jalousie? D'avoir trop soutenu la majesté des rois, trop rempli votre cour, du bruit de mes exploits, trop du grand Hannibal pratiquer les maximes? S'il faut grâce pour moi, choisissez de mes crimes. Je m'en dédie, Seigneur. Il n'est point criminel. S'il m'a voulu noircir d'un opprobre éternel, il n'a fait qu'obéir à la haine ordinaire qu'imprime à ses pareils le nom de belle-mère. De cet aversillon, son cœur préoccupé m'impute tous les traits dont il se sent frappé. Que son maître, Hannibal, malgré la foi publique, s'abandonne aux fureurs d'une terreur panique, que ce vieillard confie et gloire et liberté plutôt au désespoir qu'à l'hospitalité, ces terreurs, ces fureurs sont de mon artifice. Quel capa que lui-même il trouve en Laodice, c'est moi qui fais Catale à des yeux comme lui, c'est moi qui force Rome à lui servir d'appui, de cette seule main par... tout ce qui le blesse. Et pour venger son maître et sauver sa maîtresse, s'il a tâché, Seigneur, de m'éloigner de vous. Tout est trop excusable en un amant jaloux. Ce faible et vain effort ne touche point mon âme. Je sais que tout mon crime est d'être votre femme, que ce nom seul l'oblige à me persécuter. Car enfin, hors de là, que peut-il m'imputer ? Ma voix, depuis 10 ans qu'il commande une armée, a-t-elle refusé d'enfler sa renommée ? Et lorsqu'il l'a fallu puissamment secourir, que la moindre longueur l'aurait laissé périr, quel autre a mieux pressé les secours nécessaires ? Qui l'a mieux dégagé de ses destins contraires ? A-t-il eu près de vous un plus soigneux agent pour hâter les renforts et d'hommes et d'argent, vous le savez, Seigneur ? Et pour reconnaissance, après l'avoir servi de toute ma puissance, je vois qu'il a voulu me perdre auprès de vous. Mais tout est excusable en un amant jaloux, je vous l'ai déjà dit. Ingrat. Que peux-tu dire ? Que la reine a pour moi des bontés que j'admire. Je ne vous dirai point que ces puissants secours dont elle a conservé mon honneur et mes jours, et qu'avec tant de pompe à vos yeux, elle étale, travaillée par ma main à la grandeur d'Attal, que par mon propre bras elle l'amassait pour lui, et préparait dès lors ce qu'on voit aujourd'hui par quelques sentiments qu'elle ait été poussée, j'en laisse le ciel juge. Il connaît sa pensée, il sait, pour mon salut, comme elle a fait des vœux, il lui rendra justice, et peut-être à tous deux. Cependant, puisqu'enfin l'apparence est si belle, elle a parlé pour moi, je dois parler pour elle. Et pour son intérêt, vous faire souvenir que vous laissez longtemps deux méchants à punir. Envoyez Métrobate et Zénon au supplice. Sa gloire attend de vous ce digne sacrifice. Tous deux l'ont accusé. Et s'ils s'en sont dédits pour l'affaire innocente et chargé votre fils, ils n'ont rien fait pour eux. Et leur mort est trop juste. Après s'être joué d'une personne auguste, l'offense, une fois faite à ceux de notre rang, ne se répare point que par des flots de sang. On n'en fut jamais quitte ainsi. Pour s'en dédire, il faut sous les tourments que l'imposture expire, ou vous exposeriez tout votre sang royal à la légèreté d'un esprit déloyal. L'exemple est dangereux. Et hasard de nos vies, s'ils mettent en sûreté de telles calomnies. Oh, Seigneur, les punir. De la sincérité qui soudain dans leur bouche a mis la vérité, qui vous a contre moi sa fourbe découverte, qui vous rend votre femme et m'arrache à ma perte, qui vous a retenu d'en prononcer l'arrêt, et couvrir tout cela de mon seul intérêt, c'est être trop adroit, prince, et trop bien l'entendre. Laisse-la, Métrobate, et songe à te défendre. Purge-toi d'un forfait si honteux et si bas. M'en purger ? Moi, Seigneur, vous ne le croyez pas. Vous ne savez que trop qu'un homme de ma sorte, quand il se rend coupable un peu plus haut, se porte. Qu'il lui faut un grand crime à tenter son devoir, où sa gloire se sauve à l'ombre du pouvoir. Soulevez votre peuple et jetez votre armée dedans les intérêts d'une reine opprimée. Venir, le bras levé, la tirer de vos mains malgré l'amour d'Attal et l'effort des Romains et fondre en vos pays contre leur tyrannie avec tous vos soldats et toute l'Arménie. C'est ce que pourrait faire un homme tel que moi s'il pouvait se résoudre à vous manquer de foi. La fourbe n'est le jeu que des petites âmes, et c'est là proprement le partage des femmes. Punissez donc, Seigneur Métrobate et Zénon, pour la reine ou pour moi, faites-vous en raison. Dans les derniers moments, la conscience presse pour rendre compte aux dieux. Tout respect humain cesse, et ces esprits légers approchant des abois pourraient bien se dédire une seconde fois. Oh, Seigneur ! Parlez, madame, et dites ! Quelle cause à leur juste supplice obstinément s'oppose ? Ou laissez-nous penser qu'aux portes du trépas, ils auraient des remords qui ne vous plairaient pas. Vous voyez à quel point sa haine m'est cruelle. Quand je le justifie, il me fait criminel. Oh ! Mais sans doute, Seigneur, ma présence l'aigrit et mon éloignement remettra son esprit. Il rendra quelque calme à ce cœur magnanime et lui pourra sans doute éviter plus d'un crime. Je ne demande point que par compassion vous assuriez un sceptre à ma protection, ni que pour garantir la personne d'Attal, vous partagiez entre eux la puissance royale. Si vos amis de Rome m'en ont pris quelque soin, c'était ça mon aveu. Je n'en ai pas besoin. Je n'aime point si mal que de ne vous pas suivre, sitôt qu'entre mes bras vous cesserez de vivre. Et sur votre tombeau, mes premières douleurs verseront tout ensemble, et mon sang et mes pleurs. Oh, madame! Oui, Seigneur! Cette heure infortunée, par vos derniers soupirs, clora ma destinée. Mais puisqu'enfin jamais il ne sera mon roi, qu'ai-je à craindre de lui? Que peut-il contre moi? Tout ce que je demande en faveur de ce gage, de ce fils qui déjà lui donne tant d'ombrage, c'est que chez les Romains, il retourne achever des jours que dans leur sein vous fîtes élever, qu'il retourne y traîner sans péril et sans gloire de votre amour pour moi, l'impuissante mémoire. Ce grand prince vous sert et vous servira mieux quand il n'aura plus rien qui lui blesse les yeux. Et n'appréhendez point Rome ni sa vengeance. Contre tout son pouvoir, il a trop de vaillance. Il sait tous les secrets du fameux Hannibal, de ce héros à Rome en tout lieu si fatal que l'Asie et l'Afrique admirent l'avantage qu'en tire Antiochus et qu'en reçut Carthage. Je me retire donc, afin qu'en liberté les tendresses du sang pressent votre bonté. Et je ne veux plus voir, ni qu'en votre présence un prince que j'estime indignement m'offense, ni que je sois forcée à vous mettre en courroux contre un fils si vaillant et si digne de vous. Nicomède, en deux mots, ce désordre me fâche. Quoi qu'on t'ose imputer, je ne te crois point lâche. Mais donnons quelque chose à Rome qui se plaint, et tâchons d'assurer la reine qui te craint. J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. Et je ne veux pas voir cette haine éternelle, ni que des sentiments que j'aime à voir durer ne règnent dans mon cœur que pour le déchirer. J'y veux mettre d'accord l'amour et la nature, être père et mari dans cette conjoncture. Seigneur, voulez-vous bien vous en fier à moi? Ne soyez l'un ni l'autre. Et que dois-je être? Roi. Reprenez hautement ce noble caractère. Un véritable roi n'est ni mari, ni père. Il regarde son trône et rien de plus. Régnez. Rome vous craindra plus que vous ne la craignez. Malgré cette puissance si vaste et si grande, vous pouvez déjà voir comme elle m'appréhende. Combien, en me perdant, elle espère gagner parce qu'elle prévoit que je saurai régner. Je règne donc, ingrat, puisque tu me l'ordonnes. Choisis ou Laodice ou mes quatre couronnes. Ton roi fait ce partage entre ton frère et toi. Je ne suis plus ton père. Obéis à ton roi. Si vous étiez aussi le roi de Laodice pour l'offrir à mon choix avec quelque justice, je vous demanderais le loisir d'y penser. Mais enfin, pour vous plaire et ne pas l'offenser, j'obéirai, Seigneur, sans réplique frivole à vos intentions et non à vos paroles. À ce frère si cher, transportez tous mes droits et laissez Laodice en liberté du choix. Voilà quel est le mien. Quelle bassesse d'âme! Quelle fureur t'aveugle en faveur d'une femme! Tu la préfères lâche à ces prix glorieux que ta valeur unit au bien de tes aïeux? Après cette infamie, es-tu digne de vivre? Je crois que votre exemple est glorieux à suivre. Ne préférez-vous pas une femme à ce fils, par qui tous ses états aux vôtres sont unis? Me vois-tu renoncer pour elle au diadème? Me voyez-vous pour l'autre y renoncer moi-même? Que cédais-je à mon frère en cédant vos états? Ai-je droit d'y prétendre avant votre trépas? Pardonnez-moi ce mot, il est fâcheux à dire. Mais un monarque, enfin, comme un autre homme, expire. Et vos peuples, alors, ayant besoin d'un roi, voudront choisir, peut-être, entre ce frère et moi, seigneur. Nous n'avons pas si grande ressemblance qu'il faille de bons yeux pour y voir différence. Et ce vieux droit d'aînesse est souvent si puissant que pour remplir un trône, il rappelle un absent. Et si leurs sentiments se règlent sur les vôtres, sous le joug de vos lois, j'en ai bien rangé d'autres, et dussent vos Romains en être encore jaloux. Je ferai bien pour moi ce que j'ai fait pour vous. J'y donnerai bon ordre. Oui, c'est leur artifice de mon sang. Par vos mains se fait un sacrifice. Autrement, vos états à ce prince livrés ne seront en ses mains qu'autant que vous vivrez. Ce n'est point en secret que je vous le déclare, je le dis à lui-même, afin qu'il s'y prépare, le voilà qui m'entend. Va. Sans verser ton sang, je serais bien ingrat. L'assurer en se rend, et demain... Si pour moi vous êtes en colère, seigneur, je n'ai reçu qu'une offense légère. Le Sénat, en effet, pourra s'en indigner, mais j'ai quelques amis qui sauront le gagner. Je lui ferai raison. Et dès demain, Attal recevra de ma main la puissance royale. Je le fais roi de Pont. Et mon seul héritier... Et quant à ce rebelle, à ce courage fier, Rome, entre vous et lui, jugera de l'outrage. Je veux qu'au lieu d'Attal, il lui serve d'otage. Et pour l'y mieux conduire, il vous sera donné, sitôt qu'il aura vu son frère, couronné. Vous m'enverrez à Rome? On t'y fera justice. Va, va lui demander ta chère Laodice. J'irai. J'irai, seigneur, vous le voulez ainsi. Et j'y serai plus roi que vous n'êtes ici. Rome sait vos hauts faits et déjà vous adore. Tout beau, Flaminius. Je n'y suis pas encore. La route en est mal sûre à tout considérer. Et qui m'y conduira pourrait bien s'égarer. Qu'on le ramène à Raspe et redoubler sa garde. Toi, rends grâces à Rome et sans cesse regarde que comme son pouvoir est la source du tien, en perdant son appui, tu ne seras plus rien. Vous, seigneur, excusez si me trouvant en peine de quelque déplaisir que m'a fait voir la reine, je vais l'en consoler et vous laisse avec lui, Attal. Encore un coup. Rends grâce à ton appui. Seigneur, que vous dirais-je? Après des avantages qui sont même trop grands pour les plus grands courages. Vous n'avez point de borne, et votre affection passe votre promesse. Et mon ambition. Je l'avouerai pourtant, le trône de mon père ne fait pas le bonheur que plus je considère. Ce qui touche mon cœur, ce qui charme mes sens, c'est Laodice acquise à mes vœux innocents. La qualité de roi qui me rend digne d'elle ne rendra pas son cœur à vos vœux moins rebelles. Seigneur, l'occasion fait un cœur différent. D'ailleurs, c'est l'ordre exprès de son père mourant, et par son propre aveu. La reine d'Arménie est due à l'héritier du roi de Bithynie. Ce n'est pas loi pour elle, et reine comme elle est. Cet ordre à bien parler n'est que ce qui lui plaît. Aimerait-elle en vous l'éclat d'un diadème qu'on vous donne, aux dépens d'un grand prince qu'elle aime? En vous qu'il a privé d'un si cher protecteur, en vous qui de sa chute êtes l'unique auteur. Ce prince hors d'ici, seigneur, que fera-t-elle? Qui contre Rome et nous soutiendra sa querelle, car j'ose me promettre encore votre secours. Les choses, quelquefois, prennent un autre cours. Pour ne vous point flatter, je n'en veux pas répondre. Ce serait bien, Seigneur, de tout point me confondre. Et je serais moins roi qu'un objet de pitié si le bandeau royal m'ôtait votre amitié. Mais je m'alarme trop et Rome est plus égale. N'en avez-vous pas l'ordre ? Oui. Pour le prince Attal, pour un homme en son sein nourri dès le berceau. Mais pour le roi de Pont, il faut ordre nouveau. Il faut ordre nouveau quoi ? Se pourrait-il faire qu'à l'œuvre de ses mains, Rome devint contraire ? Que ma grandeur naissante y fit quelque jaloux ? Que présumez-vous, prince, et que me dites-vous ? Vous-même, dites-moi comme il faut que j'explique cette inégalité de votre République ! Je vais vous l'expliquer et veux bien vous guérir d'une erreur dangereuse où vous semblez courir. Rome, qui vous servait auprès de Laodis, pour vous donner son trône, eût fait une injustice. Son amitié pour vous lui faisait cette loi. Mais par d'autres moyens, elle vous a fait roi, et le soin de sa gloire à présent la dispense de se porter pour vous à cette violence. Laissez donc cette reine en pleine liberté, et tournez vos désirs de quelque autre côté. Rome, de votre hymen, prendra soin elle-même. Mais s'il arrive enfin que Laodice m'aime, ce serait mettre encore Rome dans le hasard que l'on crût artifice ou force de sa part. Cet hymen jetterait une ombre sur sa gloire. Prince, n'y pensez plus si vous m'en pouvez croire. Ou si de mes conseils vous faites peu d'état, n'y pensez plus du moins sans l'aveu du Sénat. À voir. Quelle froideur à tant d'amour succède. Rome ne m'aime pas. Elle hait Nicomède. Et lorsqu'à mes désirs à la fin d'applaudir, elle a voulu le perdre et non pas m'agrandir. Pour ne vous faire pas de réponse trop rude sur ce beau coup d'essai de votre ingratitude, suivez votre caprice, offensez vos amis, vous êtes souverain et tout vous est permis. Mais puisqu'enfin ce jour vous doit faire reconnaître que Rome vous a fait ce que vous allez être, que, perdant son appui, vous ne serez plus rien, que le roi vous l'a dit, souvenez-vous-en bien. Attal, était-ce ainsi que régnaient tes ancêtres ? Veux-tu le nom de roi pour avoir tant de maîtres ? Ah, ce titre, à ce prix, déjà m'est important. S'il nous en faut avoir, du moins, n'en ayons qu'un. Nicomède, le ciel nous l'a donné, trop grand, trop magnanime, pour souffrir qu'aux Romains ils servent de victimes. Montrons-leur hautement que nous avons des yeux, et d'un si rude joug, affranchissons ces lieux, puisqu'à leurs intérêts, tout ce qu'ils font s'applique, que leur vaine amitié cède à leur politique. Soyons à notre tour de leur grandeur jaloux, et comme ils font pour eux, faisons aussi pour nous. J'ai prévu ce tumulte et n'en vois rien à craindre. Comme un moment l'allume, un moment peut l'éteindre, et si l'obscurité laisse croître ce bruit, le jour dissipera les vapeurs de la nuit. Je me fâche bien moins qu'un peuple se mutine que de voir que ton cœur dans son amour s'obstine et d'une indigne ardeur lâchement embrasée ne rend point de méprise à qui t'a méprisé. Venge-toi d'une ingrate et quitte une cruelle à présent que le sort t'a mise au-dessus d'elle, son trône, et non ses yeux avaient dû te charmer. Tu vas régner sans elle, à quel propos l'aimer? Porte ce cœur à de plus douces chaînes, puisque te voilà roi l'Asie à d'autres reines qui, loin de te donner des rigueurs à souffrir, t'épargneront bientôt la peine de t'offrir. Mais, madame... Eh bien, soit, je veux qu'elle se rende. Prévois-tu les malheurs qu'ensuite j'appréhende? Sitôt que d'Arménie elle t'aura fait roi, elle t'engagera dans sa haine pour moi, mais... Dieu! Pourra-t-elle y borner sa vengeance? Pourras-tu dans son lit dormir en assurance et refusera-t-elle à son ressentiment le fer ou le poison pour venger son amant? Qu'est-ce qu'en sa fureur une femme naissait? Que de fausses raisons pour me cacher la vraie. Rome, qui n'aime pas avoir un puissant roi, la crainte en Nicomède et le craindrait en moi. Je ne dois plus prétendre à l'hymen d'une reine si je ne veux déplaire à Rome souveraine. Et puisque la fâchée se serait me trahir, afin qu'elle me souffre, il vaut mieux obéir. Je sais par quels moyens sa sagesse profonde s'achemine à grands pas à l'empire du monde. Aussitôt qu'un état devient un peu trop grand, sa chute doit guérir l'ombrage qu'elle en prend. C'est blesser les Romains. Que faire une conquête? Que mettre trop de bras sous une seule tête? Et leur guerre est trop juste. Après cet attentat, que fait sur leur grandeur un tel crime d'État? Eux, qui pour gouverner sont les premiers des hommes, veulent que sous leur ordre on soit ce que nous sommes, veulent sur tous les rois un si haut ascendant que leur empire seul demeure indépendant. Je les connais, madame, et j'ai vu cet ombrage détruire Antiochus et renverser Carthage. De peur de choir comme eux, je veux bien m'abaisser. Et cède à des raisons que je ne puis forcer. D'autant plus, justement, mon impuissance y cède que je vois qu'en leurs mains on livre Nicomède. Un si grand ennemi leur répond de ma foi. C'est un lion tout prêt à déchaîner sur moi. C'est de quoi je voulais vous faire confidence, mais vous me ravissez d'avoir cette prudence. Le temps pourra changer. Cependant, prenez soin d'assurer les jaloux dont vous avez besoin. Ah, Seigneur, c'est remporter une haute victoire que de rendre un amant capable de me croire. J'ai su le ramener au terme du devoir et sur lui, la raison a repris son pouvoir. Madame, voyez donc si vous serez capable de rendre également ce peuple raisonnable. Le mal croit, il est temps d'agir de votre part. Ou quand vous le voudrez trop tard. Ne vous figurez plus que ce soit le confondre, que de le laisser faire et ne lui point répondre. Rome, autrefois à vue de ses émotions, sans embrasser jamais vos résolutions. Quand il fallait calmer toute une populace, le Sénat n'épargnait promesses ni menaces et rappelait par là son escadron mutin et du mont Quirinal et du mont Aventin dont il l'aurait vu faire une horrible descente s'il eût traité longtemps sa fureur d'impuissante et l'eût abandonné à sa confusion, comme vous semblez faire en cette occasion. Après ce grand exemple, en vain on délibère. Ce qu'a fait le Sénat montre ce qu'il faut faire et le roi... Mais il vient. Je ne puis plus douter, Seigneur, d'où vient le mal que je vois éclater. Ces mutins ont pour chef les gens de la Odysse. J'en avais soupçonné déjà son artifice. Ainsi, votre tendresse et vos soins sont payés. Seigneur, il faut agir. Et si vous m'en croyez... Tout est perdu, madame, à moins d'un prompt remède. Tout le peuple à grands cris demande Nicomède. Il commence lui-même à se faire raison et vient de déchirer... Métrobate et Zénon. Il n'est donc plus à craindre. Il a pris ses victimes. Sa fureur sur leur sang va consumer ses crimes. Elle s'applaudira de cet illustre effet et croira Nicomède amplement satisfait. Si ce désordre était sans chef et sans conduite, je voudrais comme vous en craindre moins la suite. Le peuple, par leur mort, pourrait s'être adouci. Mais un dessein formé ne tombe pas ainsi. Il suit toujours son but, jusqu'à ce qu'il l'emporte. Le premier sang vers ses rend sa fureur plus forte. Il l'amorce, il l'acharne, il en éteint l'horreur et ne lui laisse plus ni pitié ni terreur. Seigneur, de tous côtés le peuple vient en foule. De moment en moment, votre garde s'écoule. Et suivant les discours qu'ici même j'entends, le prince entre mes mains ne sera pas longtemps. Je n'en puis plus répondre. Allons. Allons le rendre, ce précieux objet d'une amitié si tendre. Obéissons, madame, à ce peuple sans foi qui, là de m'obéir, en veut faire son roi. Et du haut d'un balcon pour calmer la tempête, sur ses nouveaux sujets, faisons voler sa tête. Ah, seigneur! C'est ainsi qu'il lui sera rendu. À qui le cherche ainsi, c'est ainsi qu'il est dû. Ah, seigneur! C'est tout perdre. Et livrer à sa rage tout ce qui de plus près touche votre courage. Et j'ose dire ici que votre majesté aura peine elle-même à trouver sûreté. Il faut donc se résoudre à tout ce qu'il m'ordonne. Lui rendre Nicomède avec ma couronne? Je n'ai pas d'autre choix. Et s'il est le plus fort, je dois à son idole ou mon sceptre ou la mort. Seigneur, quand ce dessein aurait quelque justice, est-ce à vous d'ordonner que ce prince périsse? Quel pouvoir sur ses jours vous demeure permis? C'est l'otage de Rome et non plus votre fils. Je dois m'en souvenir quand son père l'oublie. C'est attenté sur nous qu'ordonner de sa vie. J'en dois compte au Sénat et n'y puis consentir. Ma galère est au port, toute prête à partir. Le palais y répond par la porte secrète. Si vous le voulez perdre... Agréez ma retraite. Souffrez que mon départ fasse connaître à tous que Rome a des conseils plus justes et plus doux, et ne l'exposez point à ce honteux outrage de voir à ses yeux même immoler son otage. Me croirez-vous, seigneur, et puis-je m'expliquer? Oh, rien de votre part ne saurait me choquer, parler. Le ciel m'inspire un dessein dont j'espère est satisfaire Rome et ne pas vous déplaire. S'il est prêt à partir, il peut, en ce moment, enlever avec lui son otage aisément. Cette porte secrète ici nous favorise. Mais pour faciliter d'autant mieux l'entreprise, montrez-vous à ce peuple et flattant son courroux, amusez-le du moins à débattre avec vous, faites-lui perdre temps. Tandis qu'en assurance, la galère s'éloigne avec son espérance. S'il force le palais et ne l'y trouve plus, vous ferez comme lui le surpris, le confus, vous accuserez Rome et promettrez vengeance sur quiconque sera de son intelligence. Vous en verrez après, sitôt qu'il fera jour, et vous lui donnerez l'espoir d'un prompt retour ou mille empêchements que vous ferez vous-même pourront de toutes parts aider au stratagème. Quelque aveugle transport qu'il témoigne aujourd'hui, il n'attentera rien tant qu'il craindra pour lui, tant qu'il présumera son effort inutile. Ici, la délivrance en paraît trop facile. Et s'il l'obtient, seigneur, il faut fuir, vous et moi. S'il le voit à sa tête, il en fera son roi, vous le jugez, vous-même. Ah, j'avouerai, madame, que le ciel a versé ce conseil dans votre âme. Seigneur, se peut-il voir rien de mieux concerté? Il vous assure et vie, et gloire, et liberté. Et vous avez d'ailleurs Laodice en otage. Mais qui perd-t-en ici perd tout son avantage. Il n'en faut donc plus perdre. Allons-y de ce pas. Ne prenez avec vous qu'Araspe et 3 soldats. Peut-être un plus grand nombre aurait quelqu'un fidèle. J'irai chez Laodice et m'assurerai d'elle. Attal, où courez-vous? Je vais de mon côté de ce peuple mutin amuser la fierté. À votre stratagème, en ajouter quelque autre. Songez que ce n'est qu'un que mon sort est le vôtre. Que vos seuls intérêts me mettent en danger. Je vais périr, madame, ou vous en dégager. Allez donc. J'aperçois la reine d'Arménie. La cause de nos maux doit-elle être impunie? Non, madame. Et pour peu qu'elle ait d'ambition, je vous réponds déjà de sa punition. Vous qui savez son crime, ordonnez de sa peine. Un peu d'abaissement suffit pour une reine. C'est déjà trop de voir son dessein avorté. Oh, dites pour châtiment de sa témérité qu'il lui faudrait du front tirer le diadème. Parmi les généreuses, il n'en va pas de même. Ils savent oublier quand ils ont le dessus et ne veulent que voir leurs ennemis confus. Ainsi qui peut vous croire aisément se contente. Le ciel ne m'a pas fait l'âme plus violente. Oh, soulever des sujets contre leur souverain, leur mettre à tous le fer et la flamme en la main jusque dans le palais, pousser leur insolence, vous appelez cela fort peu de violence? Nous nous entendons mal, madame. Et je le vois, ce que je dis pour vous, vous l'expliquez pour moi. Je suis hors de soucis pour ceux qui me regardent. Et je viens vous chercher pour vous prendre en ma garde. Pour ne hasarder pas en vous la majesté au manque de respect d'un grand peuple irrité. Faites venir le roi. Rappelez votre attal que je conserve en eux la dignité royale. Ce peuple, en sa fureur, peut les connaître mal. Peut-on voir un orgueil à votre orgueil égal? Vous, par qui seul ici tout ce désordre arrive, vous qui dans ce palais vous voyez ma captive, vous qui me répondrez au prix de votre sang de tout ce qu'un tel crime attente sur mon rang, vous me parlez encore avec la même audace que si j'avais besoin de vous demander grâce. Vous obstinez, madame, à me parler ainsi, c'est ne vouloir pas voir que je commande ici. Que quand il me plaira, vous serez ma victime. Et ne m'imputez point ce grand désordre à crime. Votre peuple est coupable. Et dans tous vos sujets, ces cris séditieux sont autant de forfaits. Mais pour moi qui suis reine, et qui dans nos querelles, pour triompher de vous, vous ai fait ces rebelles par le droit de la guerre. Il fut toujours permis d'allumer la révolte entre ses ennemis. M'enlever mon épouse et vous faire la mienne. Je la suis donc, madame. Et quoi qu'il en advienne, si ce peuple une fois enfonce le palais, c'est fait de votre vie, et je vous le promets. Vous tiendrez mal parole, ou bientôt sur ma tombe, tout le sang de vos rois servira d'hécatombe. Mais avez-vous encore parmi votre maison quelque autre métrobate? Ou quelque autre Zénon? N'appréhendez-vous point que tous vos domestiques ne soient déjà gagnés par mes sourdes pratiques? En savez-vous quelqu'un si prêt à se trahir, si las de voir le jour que de vous obéir? Je ne veux point régner sur votre Bithynie. Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Et pour voir tout d'un coup vos malheurs terminés, rendez-moi cet époux qu'enfin vous retenez. Sur le chemin de Rome, il vous faut l'aller prendre. Flaminius Limen pourra vous le rendre, mais hâtez-vous de grâce. Et faites bien ramer. Car déjà sa galère a pris le large en mer. Si je le croyais... N'en doutez pas, madame. Fuyez donc les fureurs qui saisissent mon âme. Après le coup fatal de cette indignité, je n'ai plus ni respect, ni générosité. Mais plutôt demeurer pour me servir d'otage jusqu'à ce que ma main de ses fers le dégage. J'irai jusque dans Rome en briser les liens avec tous vos sujets, avec tous les miens. Aussi bien Hannibal nommait une folie de présumer la vaincre ailleurs qu'en Italie. Je veux qu'elle me voie au cœur de ses états, soutenir ma fureur d'un million de bras et sous mon désespoir rangeant sa tyrannie. Vous voulez donc enfin régner en Bithynie? Et dans cette fureur qui vous trouble aujourd'hui, le roi pourra souffrir que vous régniez pour lui. J'y régnerai, madame, et sans lui faire injure. Puisque le roi veut bien être roi qu'en peinture, que lui doit importer qui donne ici la loi et qui règne pour lui des Romains ou de moi. Mais un second otage entre mes mains se jette. Attal, avez-vous su comme ils ont fait retraite? madame. Parlez. Tous les dieux irrités, dans les derniers malheurs, nous ont précipités. Le prince est échappé. Ne craignez plus, madame. La générosité déjà rentre en mon âme. Attal, prenez-vous plaisir à m'alarmer. Ne vous flattez point tant que de le présumer. Le malheureux Arasp, avec sa faible escorte, l'avait déjà conduite à cette fausse porte. L'ambassadeur de Rome était déjà passé quand, dans le sein d'Arasp, un poignard enfoncé le jette aux pieds du prince. Il s'écrie et sa suite de peur d'un pareil sort prend aussitôt la fuite. Et qui, dans cette porte, a pu le poignarder? 10 ou 12 soldats qui semblaient la garder. Et ce prince... Ah, mon fils, qu'il est partout de traître! Qu'il ait peu de sujets fidèles à leur maître! Mais de qui savez-vous un désastre si grand? Des compagnons d'Arasp et d'Arasp mourant. Mais écoutez encore ce qui me désespère. J'ai couru me ranger auprès du roi, mon père. Il n'en était plus temps. Ce monarque étonné, à ses frayeurs déjà s'était abandonné, avait pris un esquif pour tâcher de rejoindre ce Romain, dont l'effroi peut-être n'est pas moindre. Non. Non, nous revenons l'un et l'autre en ces lieux défendre votre gloire ou mourir à vos yeux. Oh, mourons. Mourons, Seigneur, et dérobons nos vies à l'absolu pouvoir des fureurs ennemies. N'attendons pas leur ordre. Et montrons-nous jaloux de l'honneur qu'ils auraient à disposer de nous. Ce désespoir, madame, offense un si grand homme. Plus que vous n'avez fait en l'envoyant à Rome, vous devez le connaître. Et puisqu'il a ma foi, vous devez présumer qu'il est digne de moi. Je le désavouerais s'il n'était magnanime, s'il manquait à remplir l'effort de mon estime, s'il ne faisait paraître un cœur toujours égal. Mais le voici. Voyez si je le connais mal. Tout est calme, Seigneur ? Un moment de ma vue a soudain apaisé la populace émue. Quoi ? Me viens-tu braver jusque dans mon palais, rebelle ? C'est un nom que je n'aurai jamais. Je ne viens point ici montrer à votre haine un captif insolent d'avoir brisé sa chaîne. Je viens en bon sujet. Vous rendre le repos que d'autres intérêts troublaient, mal à propos. Non que je veuille à Rome imputer quelques crimes. Du grand art de régner, elle suit la maxime. Et son ambassadeur ne fait que son devoir quand il veut entre nous partager le pouvoir. Mais ne permettez pas qu'elle vous y contraigne. Rendez-moi votre amour, afin qu'elle vous craigne. Pardonnez à ce peuple un peu trop de chaleur qu'à sa compassion a livré mon malheur. Pardonnez un forfait qu'il a cru nécessaire et qui ne produira qu'un effet salutaire. Faites-lui grâce aussi, madame, et permettez que, jusque au tombeau, j'adore vos bontés. Je sais par quel motif vous m'êtes si contraire. Votre amour maternel veut voir régner mon frère. Et je contribuerai moi-même à ce dessein, si vous pouvez souffrir qu'il soit roi de ma main. Oui, l'Asie à mon bras offre encore des conquêtes, et pour l'en couronner, mes mains sont toutes prêtes. Commandez seulement, choisissez en quel lieu, et j'en apporterai la couronne à vos yeux. Seigneur, faut-il si loin pousser votre victoire, qu'ayant entre vos mains et mes jours et ma gloire, la haute ambition d'un si puissant vainqueur, veuille encore triompher jusque dedans mon cœur? Contre tant de vertus, je ne puis le défendre. Il est impatient lui-même de se rendre joignier cette conquête à 3 sceptres conquis. Et je croirais gagner en vous un second fils. Je me rends donc aussi, madame, et je veux croire qu'avoir un fils si grand est ma plus grande gloire. Mais parmi les douceurs qu'enfin nous recevons, faites-nous savoir, prince, à qui nous vous devons. L'auteur d'un si grand coup m'a caché son visage. Mais il m'a demandé mon diamant pour gage et me le doit ici rapporter dès demain. Le voulez-vous, Seigneur, reprendre de ma main? Ah, laissez-moi toujours à cette digne marque reconnaître en mon sang qu'un vrai sang de monarque, ce n'est plus des Romains l'esclave ambitieux, c'est le libérateur d'un sang si précieux, mon frère. Seigneur, à découvert, toute âme généreuse d'avoir votre amitié doit se tenir heureuse, mais nous n'en voulons plus. Avec ces dures lois qu'elle jette toujours sur la tête des rois, nous vous la demandons hors de la servitude où le nom d'ennemi nous semblera moins rude. C'est de quoi le Sénat pourra délibérer. Mais cependant, pour lui, j'ose vous assurer, prince, qu'à ce défaut, vous aurez son estime, telle que doit l'attendre un cœur si magnanime, et qu'il croira se faire un illustre ennemi s'il ne vous reçoit pas pour généreux ami. Nous autres, réunis sous de meilleurs auspices, préparons à demain de justes sacrifices et demandons aux dieux, nos dignes souverains, pour comble de bonheur, l'amitié des Romains. Nicomède, de Corneille. Mise en scène de Brigitte Jacques Vageman. Avec Bertrand Suarez-Pazos, Nicomède. Sophie Dole, Arsinoé. Pierre-Stéphane Montagnier, Prusias. Raphaël Bouchard, Laodice. Thibaut Pernoud, Attal. Pascal Bécard, Flaminius. Marc Semiatiki, Araspe. Agnès Proust, Cléone. Musique originale, Marc-Olivier Dupin. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Serge Ristich, Laure Young-Lancret. Assistante, Anne-Laure Chanel. Réalisation, Jean Couturier.